En 40, j'ai été prisonnier. Et je ne suis pas retourné jusqu'en 45. Alors, ma foi, à ce moment-là, il y avait là la bande qui rapportait. Alors, on s'était retenu à cette culture, quoi. Vous la cultiviez à cette époque-là? À cette époque-là, on l'a cultivée. Et puis, ça a tombé. La montée d'une distillerie, tout ça. C'est vous qui aviez fait la distillerie, oui. Là? En 52. Ah oui. En quelle année vous avez planté la lavande? Oh, on avait commencé de planter la lavande à un moment quand la guerre s'est déclarée en 39, ben, on était bien partis pour faire les plantations. Mmh. Et puis, durant la guerre, bien entendu, ça avait été un peu abandonné, mais les champs qui étaient plantés avaient été entretenus. Mon père les avait entretenus. Et puis après la guerre, on s'est mis à planter alors, fortement. Tous les champs ici autour, là? Tout autour. Ah, ce qui est cette prairie maintenant où on garde les moutons, de l'herbe pour, on fait de l'herbe pour les moutons, quoi. Eh bien, c'est tout de la lavande. De la lavande... De la lavande, de la vraie lavande. La vraie lavande, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Et vous distillez alors ici? Oui. On a monté la lambic a été montée en 52. Mm-hmm. Par vous, votre famille, quoi, ouais, je veux dire. Là, là, oui. Et ça vous rapportait bien à ce moment-là? Ah ben ça, on vivait là-dessus. Ah oui. On n'avait pas les moutons alors. Ah oui, vous n'aviez plus les moutons alors. Il y en avait encore quelques-uns. Mon père en avait gardé encore quelques-uns, mais on ne pouvait pas y vivre dessus. C'était la lavande qui avait. C'est d'ailleurs la lavande qui nous avait tenus ici. Ah voilà. Sinon, on aurait fait comme les autres. On serait partis. Voilà. Parce que vous aviez des terres ici. Vous aviez pas mal de terres. Ah ben oui, on avait les terres. Ah, oui. Et la lavande, vous produisiez combien de litres On faisait jusqu'à 200 kilos d'essence. Ah oui. C'était intéressant. Puis elle était de bonne qualité ici. Ben ici, c'était la bonne qualité. On distillait, quand on commençait à distiller, les courtiers venaient pour acheter, pour retenir. L'essence. Mmh. C'était les courtiers qui venaient de Grasse. Ah oui, ils montaient jusque-là. Oh ben je veux. Ils passaient dans toutes les communes. Mmh. Et bien entendu, quand ils étaient dans une commune, ils allaient où ils savaient qu'il y avait une distillerie. Ah voilà. Voilà. C'était vers la distillerie qu'on prenait les informations voulues. Et vous distilliez que pour vous ou pour d'autres personnes? Ah, aussi? Pour nous. Que pour vous. C'est-à-dire que pour distiller pour d'autres personnes, il fallait le déclarer. Ah, voilà. Voilà. Alors, nous ici, on ne faisait que la nôtre. Et quand vous aviez mis en culture, vous ne ramassiez plus la sauvage? Oui, vous continuez pareil. À la ramasser aussi? Oui. Oh. Putain, mais alors, on avait des coupeurs qui venaient de... nous, c'était des coupeurs qui venaient du Var. Ah oui. Ils venaient de Grand-Faron. Et des coupeurs italiens ou français? En principe, ils étaient d'origine italienne. Ah oui. Ouais. Et pourquoi ils venaient de Grand-Faron? Eh bien, parce que là-bas, à Grand-Faron, c'était des travailleurs, quoi. Ils travaillaient dans les bois, ils faisaient le charbon de bois. Et l'été, eh bien, ils venaient comme saisonniers dans la région, en montagne. L'hiver, ils faisaient le charbon et l'été, la lavande chez vous. La lavande, et puis les hommes, c'était des faucheurs. Ils allaient faucher les montagnes, du côté d'Alos, la Fousse. Mm-hmm. Et c'était toujours les mêmes qui revenaient? Ah oui, en principe, oui. C'était des Piémontais ou... Oui. Oui, nous, ce qu'on avait, nous, c'était des Piémontais. C'est d'origine du Piémont, de Cuneo. Ah, voilà. Oui. Et donc, ils ramassaient à la faucille dans la colline. Dans la colline. On faisait la lavande des champs, après la cultiver, et puis après, on coupait dans la montagne. Et quand vous distilliez, elle était mélangée? Oui. Vous mélangez tout ensemble? Ah, c'est tout la même. Tout pareil. Oh oui, c'est tout pareil. Mmh. Oh, oui. Et la lavande ici, vous l'appelez comment? À cette époque, on l'appelait à la faucille. Oui. Maintenant, dans la machine, on n'a plus de lavande. Eh oui. Et son nom, c'est quoi le nom en patois? Le nom de la lavande. La lavande. La lavande. Vous distilliez la lavande, vous en gardiez de l'essence pour vous, pour votre usage? Oui. Ça servait à quoi? Ça servait, par exemple, les gens, ça servait pour quand ils avaient des douleurs articulaires, tout ça. Maintenant, il y en a d'autres que c'était pour se parfumer, pour sentir la lavande, quoi. Oui. Et pour les bêtes, vous utilisiez la lavande pour les soigner? Oui, quand elles étaient blessées. Quand les bêtes se blessaient, on les soignait avec de la lavande. Quand elles se blessaient, quand elles se coupaient, quand elles se coupent, quand elles... Ou même maintenant, on l'emploie encore. L'essence. Parce que jusqu'à présent, de l'essence, on en a... Dans les maisons, on en a toujours un peu. Même maintenant, vous en gardez toujours? Toujours un peu. Pour vous soigner? Oui, je voulais. Mais seulement maintenant, on l'achète. Eh oui. Pour mettre la déchirée en route, alors, il faudrait la couper. Personne ne veut plus y aller. Pour couper à la main, pour couper à la faucille. Et pour mettre la machine à couper la lavande, on ne fait plus. Mmh. Voilà. Et la lavande, il y en a moins maintenant qu'avant. Oh, la lavande sauvage. La lavande sauvage, il y en a pour ainsi dire plus. Comment ça se fait? Elle a dégénéré. Mmh. Il y en a qui disent que ça va revenir. Savoir si c'est vrai, je ne peux pas vous le dire. On n'a pas ici, on ne connaît pas. Et non, mais ici, le lavandin, ça pousse pas. Ça pousse pas. Il se développe pas. Ah oui. Alors, il y en a qui nous ont dit que c'était l'altitude. Mmh. Parce que en bas, du côté de Barème, en bas, ils en faisaient du lavandin. Mmh. À Mézel, il y en avait pas mal. Une grande distillerie à Mézel. Je crois qu'elle ne fonctionne plus. D'après les renseignements que j'ai, elle ne fonctionne plus. Maintenant, il y a encore la Bégude. Oui. La Bégude, il y a encore une grande d'ici. Oui. Oui, parce que de Clumant, il y en a un qui va d'ici, là-bas. Ah oui. Parce qu'à Clumant, vous étiez les seuls à avoir une distillerie? Ah non, dans Clumant, il y en avait. Ah oui. À l'époque, mais il se faisait... Il y avait la lavande fine qui distillait, il y avait le lavandin. Il y avait la distillerie un peu comme la vôtre, là, un petit peu construite, là. Oui, comme celle-là, il y en avait plusieurs dans le Clumant.